إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, dans l'assise de ce soir, nous allons méditer sur une autre recommandation parmi les recommandations de notre prophète صلى الله عليه وسلم, qui nous est venue dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. D'après Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه, qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Si tu médites sur ce hadith, tu verras qu'il renferme en réalité trois recommandations dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'indique la voie sur laquelle tu dois cheminer tout au long de ta vie. Que ce soit en ce qui concerne ta relation avec Allah, dans la première recommandation, mais aussi en ce qui concerne ta relation avec ta propre personne, dans la deuxième recommandation, et enfin, dans ta relation avec les gens, dans la troisième recommandation. Il a donc commencé par le plus important, qui est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit « crains Allah », que l'on pourrait aussi traduire par « fais preuve de piété à l'égard d'Allah ». Et cette recommandation est en réalité la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'ensemble de ses serviteurs. Il dit dans son noble livre: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Et nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre Allah. Et qu'est-ce qui est visé par la crainte d'Allah? Ce qui est visé par le fait de craindre Allah, c'est que tu te protèges de son châtiment et de sa colère. On pourrait alors se demander comment l'homme peut-il se protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa colère. La réponse est que tu te protèges de son châtiment et de sa colère par at-taqwa, que l'on traduit donc en français par la crainte d'Allah, ou la piété à l'égard d'Allah, et qui désigne le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ce qu'il a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'adresse ici cette recommandation et te dit « crains Allah », c'est comme s'il te disait de manière plus détaillée « obéis à Allah en faisant ce qu'il t'a ordonné et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit, et ce, afin de te protéger de son châtiment et de sa colère. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'attirer notre attention sur quelque chose de tout aussi important, en disant « crains Allah où que tu sois ». Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe que tu sois seul ou accompagné, peu importe que tu sois dans un endroit isolé ou dans un endroit public, que tu sois seul dans ta chambre ou avec tes frères et sœurs, peu importe que tu sois à la mosquée ou au marché ou dans un centre commercial ou autre, tu dois craindre Allah où que tu sois. Ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala doit être permanente. Tu ne dois pas être différent lorsque tu es devant les gens ou chercher seulement à faire preuve de piété que lorsque tu te rends à la mosquée ou lorsque tu es en compagnie de gens vertueux, puis ensuite délaisser cela lorsque tu te retrouves au travail ou dans des centres commerciaux ou dans la rue, ainsi de suite. Mais tu dois craindre Allah où que tu sois, même lorsque tu es seul. Et ça, en réalité, c'est une recommandation très importante. Car malheureusement, beaucoup de personnes arrivent à manifester de la piété lorsqu'elles sont en public. Lorsqu'il se rend à la mosquée, il s'applique dans sa prière. Il fait preuve de quiétude. Lorsqu'il est accompagné, il baisse le regard, il s'écarte des interdits. Lorsqu'il est avec ses parents, il fait attention aux mots qu'il prononce. Puis lorsqu'il est seul, il a un comportement déplorable. S'il fait la prière, il la fait à toute vitesse. S'il se trouve dans la rue, il laisse aller son regard sur ce qu'il n'a pas le droit de regarder. Et il se laisse aller dans toutes sortes de péchés lorsqu'il est seul. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Car cela, en réalité, c'est une caractéristique de l'hypocrisie, de manifester de la piété publiquement et de ne pas se soucier des ordres d'Allah lorsqu'on est seul. Ceci est une chose très grave. Et celui qui ressent en lui ce comportement et cette manière d'agir, il doit tout faire pour y remédier. Et se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toutes choses. Même ce que tu caches au plus profond de ta poitrine, Allah le sait. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah sait la trahison des yeux ainsi que ce que cachent les poitrines. Allah sait ce que cachent les poitrines, il sait ce à quoi tu penses, quelles sont tes intentions, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui est visé par la trahison des yeux? On trouve dans le tafsir de ce verset une parole rapportée de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui nous explique cela en disant « Cela concerne l'homme qui entre chez des gens chez qui il y a une femme. Ou alors il est avec des gens et une femme passe devant eux. Lorsque personne ne prête attention à lui, il laisse aller son regard vers elle. Puis lorsque les gens le voient, il baisse le regard. Et ainsi de suite. » Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma dit ensuite « Et Allah sait ce qu'il y a dans son cœur et qu'il aurait souhaité voir ce qui est caché. » Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc le croyant véridique, il craint Allah qu'il soit seul ou qu'il soit en public. Peu importe qu'il soit accompagné ou non. Il ne se soucie pas du regard des gens. Car ce n'est pas les gens qu'il craint, mais il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit avec les gens ou qu'il soit seul, il se comporte de la même manière. Et certains savants ont même dit au contraire, lorsque tu es seul, si tu es véridique, ta situation doit être encore meilleure. Car tu dois avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans ton cœur. Que rien n'est caché à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Rien n'est caché à Allah, ni sur terre ni dans les cieux. Donc si tu es véridique avec Allah, tu te dois de le craindre en te soumettant à ses ordres et en t'écartant de ses interdits, aussi bien en secret qu'en public. Crains Allah où que tu sois. Et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera. C'est-à-dire que s'il t'arrive de commettre un péché, de faire un faux pas, de faiblir, et de commettre une mauvaise action, alors ne t'obstine pas dans ce péché. Ne persiste pas dans celui-ci, mais fais-le suivre d'une bonne action afin que cette bonne action vienne effacer la mauvaise. Et les gens de science ont divergé concernant la bonne action qui est visée dans ce hadith. Certains ont dit que c'est le repentir. Ils ont dit donc si tu fais une mauvaise action, fais-la suivre d'une bonne action qui est le repentir et le repentir viendra effacer ce péché. Et il n'y a aucun doute à ce sujet. Celui qui fait un péché puis se repent de ce péché, alors il est comme celui qui n'a pas commis de péché. On a déjà parlé de cela dans une précédente assise. Mais d'autres gens de science ont dit que le hadith est général. Et c'est ce qui paraît être le plus juste. Que toute bonne action viendra effacer la mauvaise action. Si tu fais une bonne action après une mauvaise, alors cette bonne action viendra effacer la mauvaise. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at » Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Et on trouve un hadith explicite à ce sujet. De cet homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit qu'il avait commis certains péchés avec une femme, sauf le péché le plus grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors demandé s'il avait prié le fajr avec eux. L'homme lui répondit que oui. Il venait de prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at » Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Médite ici sur la grâce immense de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une preuve explicite que la bonne action, elle est une cause d'expiation des péchés. Donc quelle que soit ta situation, quel que soit le péché dans lequel tu es tombé, comme on l'a vu dans un cours précédent, tu ne dois jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Mais dès que tu faiblis, dès que tu fais un faux pas, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et multiplie les bonnes actions qui vont effacer les mauvaises. Et ceci est un encouragement immense à multiplier les bonnes actions, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres de bien, afin d'en obtenir la récompense, mais aussi pour qu'elle soit la cause de l'effacement de tes péchés. Et tu dois prendre garde à ne pas t'obstiner dans les péchés, car s'obstiner dans le péché contient de nombreuses conséquences néfastes. Et parmi les conséquences néfastes des péchés, comme l'a mentionné l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il y a le fait qu'il fait obstacle à l'obéissance. Il prend la place de la bonne action. Il coupe le chemin aux bonnes actions. Il t'empêche d'atteindre une bonne action. Lorsque tu fais un péché, ne ressens-tu pas que celui-ci t'éloigne d'Allah? Ne ressens-tu pas qu'après avoir commis un péché, les œuvres de bien te sont plus difficiles? Ne ressens-tu pas que les jours où tu fais des efforts pour t'éloigner des péchés, pour multiplier les œuvres de bien, tu te sens mieux dans ta prière? Et qu'inversement, si tu es dans l'insouciance et dans les péchés, ta prière est plus lourde. Ceci fait partie des conséquences néfastes des péchés. Le péché, il va te priver de l'accomplissement de nombreuses bonnes actions. Il va te priver de beaucoup de biens. Et les gens de science ont dit que celui qui se laisse aller dans les péchés, sans s'en repentir, sans essayer de s'en détacher, il est comparable à quelqu'un qui mange un aliment qui le rend malade. Lorsque tu manges un aliment qui te rend malade, que tu fais une intoxication alimentaire, cet aliment que tu as mangé, il va t'empêcher de manger d'autres aliments qui sont meilleurs pour toi. Donc celui qui persiste dans le péché, il est comme celui qui continue de manger ce mauvais aliment qui le rend malade. Et il se prive ainsi de nombreux bons aliments qui sont meilleurs pour lui. Et ces aliments sont à l'image des bonnes actions. Également parmi les méfaits des péchés et leurs conséquences néfastes, il y a le fait qu'ils s'engendrent les uns les autres. Ils se suivent et ils s'entraînent. Plus tu fais de péchés, plus tu vas commettre de péchés. Jusqu'à ce qu'il soit difficile pour toi de t'en détacher et t'en séparer. C'est pour cela que certains parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ont dit, on compte certes parmi le châtiment de la mauvaise action qu'elle en entraîne une autre après elle. Tu fais un péché, celui-ci va en appeler un autre. Et ils ont dit, et on compte certes parmi la récompense de la bonne action qu'elle en entraîne une autre après elle. Lorsque tu fais le bien, ceci t'appelle à faire le bien, ceci t'encourage à faire le bien. Donc prends garde à ne pas t'obstiner dans les péchés. Et suis cette recommandation immense de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de faire suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera. Si tu fais un faux pas, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, repens-toi de ce péché et fais suivre cela d'une bonne action qui viendra effacer la mauvaise action qui l'a précédée. La troisième recommandation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith est comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Traite les gens de manière convenable. Adresse-toi à eux de manière polie et respectueuse, en leur adressant de belles paroles. Sois souriant avec les gens. N'aie pas un visage renfrogné. Sois également indulgent, compatissant, bienveillant, miséricordieux. Et tout ceci, si tu le mets en pratique, tu verras que tu trouveras la sérénité et la concorde avec ton entourage. Et chacun d'entre nous doit faire des efforts pour adopter un bon comportement. Et les savants ont défini le bon comportement par quatre choses. Premièrement, ne pas nuire aux gens, ne pas être injuste envers eux, ne pas leur causer de tort, que ce soit avec tes mains ou avec ta langue. On a vu hier les méfaits de la langue. On peut faire beaucoup de mal avec cette langue, la médisance, la calomnie. Cela peut causer énormément de préjudice aux gens. C'est pour cela qu'il est important de la retenir. Il fait donc partie du bon comportement, premièrement, de ne pas nuire aux gens. Deuxièmement, de prodiguer le bien en leur faveur, de leur venir en aide, de leur dire des belles paroles, d'être à leur côté lorsqu'ils en ont besoin, et ainsi de suite. Troisièmement, patienter sur les nuisances qu'ils peuvent te causer. Ceci fait partie de la perfection du bon comportement. De ne pas nuire aux gens, d'être bon envers eux, et si eux te causent du tort, tu patientes face à leurs nuisances. Et quatrièmement, ils ont dit que le bon comportement consiste également à avoir un visage radieux et souriant. Et malheureusement, ceci est une chose qui aujourd'hui est délaissée par beaucoup de gens. Quand tu les vois, on dirait qu'ils sont toujours abattus. Comme s'ils étaient toujours tristes, comme s'ils venaient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Et ceci est contraire à ce que nous a enseigné notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même était souriant, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné que rencontrer ton frère avec un visage radieux, avec un visage souriant, ceci est une aumône. C'est une aumône lorsque tu lui fais un sourire. Pourquoi te priver de ce bien? Et pourquoi priver tes frères et sœurs, ton entourage, ta famille? De ce noble comportement qui est si simple à mettre en pratique. Chacun d'entre nous doit donc se remettre en question et chercher à se reformer. Et veiller à bien se comporter avec les gens comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Et ici, il a mentionné les gens de manière générale. Car le musulman, il doit se comporter d'une bonne manière avec l'ensemble des gens. Et plus particulièrement avec les gens qui te sont proches. Ta famille, tes voisins, tes amis, ainsi de suite. et notamment dans ton foyer. Tu dois avoir un bon comportement avec les gens de ton foyer, avec ton épouse, avec ton mari en ce qui concerne la femme, avec tes enfants. Ne pas leur nuire, prodiguer le bien en leur faveur, patienter sur leur nuisance et avoir un visage radieux. Tu dois adopter ce comportement dans ton foyer. Faut faire très attention à cela. Il y a certaines personnes, malheureusement, lorsqu'elles sont à l'extérieur, elles ont un comportement, mashallah, poli, souriant, généreux, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il rentre chez lui, c'est une catastrophe. Il parle mal, il a un regard rude, il se peut même qu'il soit violent, wal'iyadu billah. Avare, ne veut pas dépenser ses biens pour sa famille, et ainsi de suite. Et pareil chez les femmes. Donc tu dois prendre garde à cela. Le bon comportement, c'est avec les gens de manière générale, et en particulier avec les gens de ton foyer. Ne leur nuis pas, ne sois pas injuste, prodigue le bien en leur faveur, sois à leur service, patiente sur les nuisances que on peut se causer les uns les autres, et veille à avoir toujours un visage souriant. Car juste cela, cela peut être une cause pour faire régner l'harmonie au sein d'un foyer, bi'inillahi ta'ala. Ceci était donc une explication concise de ces recommandations immenses de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui méritera en réalité, chacune d'entre elles, une assise bien plus détaillée, mais on va se contenter ici de ce que l'on a mentionné, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à mettre en pratique ces recommandations comme il se doit. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.